moi tu n'en trouves pas à tous les corners. On est en voie disparition sur toute la planète. Si je suis rentré dans ta vie, fais tout pour que j'y reste. Si je vois que je perds mon temps, moi je m'arrache direct. Maladresse, à quoi tu penses? De moi tu penses à me balader comme tes ex. Je te ferai galérer et c'est toi qui feras tout pour me récupérer comme mes ex. N'en faudra pas te rater, chérie, je te rappelle que tu n'es qu'une option. Tu connais, pose la balle à terre, il est temps de choisir son camp. Je ne peux pas tout donner si c'est pour partir après. C'est bien souvent quand tout est beau que les larmes coulent et le cœur saigne. Je ne peux pas donner, si c'est pour partir après. C'est bien souvent quand tout est beau que les larmes coulent et le cœur saigne. Des mecs comme moi tu n'en trouves pas à tous les corners. On est en voie disparition sur toute la planète. Si je suis rentré dans ta vie, fais tout pour que j'y reste. Si je vois que je perds mon temps, moi je m'en vais direct. Des meufs comme moi, on n'en trouve pas à tous les corners. On est en voie disparition sur toute la planète. Si je suis rentré dans ta vie, fais tout pour que j'y reste. Si je vois que je perds mon temps, moi je m'en vais direct. Moi je suis pas tes ex, bébé, je suis le mec qui peut te rendre heureuse désormais. Les mecs comme moi sont rares, même sur le marché noir. Y'a rupture de stock toute l'année. Bébé, c'est moi en personne, c'est que donne ça comme personne. J'ai pas peur de finir seul, sans toi c'est juste moi et ma monnaie. Dis qu'on n'a pas été comme moi sur tu le carnet. Tu ne peux pas tout donner, si c'est pour partir après. C'est bien souvent quand tout est beau que les larmes coulent et le cœur saigne. Je ne peux pas tout donner, si c'est pour partir après. Des mecs comme moi, tu n'en trouves pas à tous les corners. On est en voie disparition sur toute la planète. Si je suis rentré dans ta vie, fais tout pour que j'y reste. Si je vois que je perds mon temps, moi je m'arrache direct. Des meufs comme moi, on n'en trouve pas à tous les corners. On est en voie disparition sur toute la planète. Si je suis rentré dans ta vie, fais tout pour que j'y reste. Si je vois que je perds mon temps, moi je m'arrache direct.